cette lettre que je t'envoie. Dieu seul sait quand tu la recevras. Au fin fond de l'hémisphère, où les saisons tournent à l'envers. Quelle idée, ma douce Hélène, de t'exiler aux îles de Kerguelen. Hélène, si je t'écris au Kerguelen, c'est parce qu'ici, sans le savoir, tu vas laisser quelqu'un qui t'aime. Hélène, Hélène, j'ai froid au cœur de mon côté de l'équateur. Aux antipodes, as-tu trouvé quelqu'un qui t'aime, Hélène? Moi et la géographie, on est devenus bons amis. Et je passe des heures entières tout seul devant le planisphère. Mais de ton île, je ne sais rien, sinon qu'elle est dans l'océan Indien. Hélène, si mon appel arrive juste qu'à ton archipel, par le premier courrier, donne-moi des nouvelles. Hélène, je t'aime. Hélène, ça rime à quoi de vivre au sud pour avoir froid et de passer l'été comme en hiver. Hélène, je t'aime. Hélène, si je t'écris au Kerguelen, c'est parce qu'ici, sans le savoir, tu as laissé quelqu'un qui t'aime. Hélène, Hélène, si mon appel arrive jusqu'à ton archipel, par le premier courrier, donne-moi des nouvelles. Hélène, au Kerguelen, c'est parce qu'ici, sans le savoir, tu as laissé quelqu'un qui t'aime, Hélène.